Dans 1 Samuel chapitre 28, si vous lisez depuis le chapitre 15 de 1 Samuel, d'accord? Le Seigneur Dieu des armées donne de l'ordre au roi Saül d'aller faire sentir la colère de l'Éternel aux Amalécites. Il part là-bas, il passe toutes les choses en revue. Au fil de l'épée, comme il avait dit, mais il garde les veaux gras, les bœufs. Où est-ce là? À partir du chapitre 15 là-bas, la royauté est déchirée au-dessus de lui. Il va continuer à errer en voulant persécuter celui qui était au de l'esprit. Voulant persécuter celui qui était au de l'esprit, mais il ne pourra pas. Par la suite, Samuel qui était le prophète en ce moment-là, va mourir. Alors il va aller consulter l'Éternel par les prophètes. Dieu ne répond pas parce qu'il avait déjà l'accès. Il va aller vers les sacrificateurs. Pas d'accès. Il va vers l'Urim parce qu'il y avait l'Urim et le Thummim à ce moment-là. Vous savez ça, donc ça? Il y avait trois endroits. Les prophètes, les sacrificateurs et l'Urim et le Thummim. Il allait là-bas, Dieu ne parlait pas. Alors il a dit quelque chose de terrible. Cherchez-moi une personne qui aime beaucoup. Donc dans 1 Samuel, donc, chapitre 28, il est question de la rencontre de Saül avec cette sorcière d'Endor. Arrivé donc chez elle, cette femme lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Il dit, prédis-moi l'avenir en m'invoquant un mot. C'est terrible. Prédis-moi quoi? Prédis-moi l'avenir en m'invoquant un mot. La femme a commencé à dire, tu sais que Saül a enlevé toutes les femmes qui faisaient ces choses-là. Il dit, ne t'inquiète pas, rien ne t'arrivera. Qui veux-tu que je fasse venir? Vous entendez cela? Il dit, fais-moi monter Saül. Saül est monté, il a prophétisé. Mais ce qu'il veut faire monter, c'est que quoi? La Bible déclare que quand Saül s'est placé, parce que la Bible déclare que c'était le plus jeune en Israël, quand il s'est placé devant l'armée philistère, la Bible déclare que voyant l'armée des philistères au-devant de lui, la crainte s'empara de lui. Alors il a su que par révélation, il pouvait tenir. Alors par cette crainte-là, remarquez ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai dit, quand quelqu'un qui va vers les divins, c'est parce qu'il a peur de l'avenir. Il a eu la crainte. Et remarquez bien, je dis que cette peur de l'avenir montre qu'on n'a plus confiance en Dieu. Initialement, il a été déchu de Dieu, alors il cherche de voir des moyens pour s'en sortir par rapport à l'avenir. Donc, tu n'as aucune crainte quant à ton avenir si tu es en règle avec le Seigneur. Amen. Parce qu'il a dit, nous avons de l'espérance. Amen. Il y a une espérance clairement, certainement. Amen. Amen. Ok. Donc, Samuel va sortir, va lui donner les déclarations qui vont se passer et le lendemain, il va se retrouver là-bas avec lui et ses fils. Maintenant, qu'est-ce qui a amené Saül là-bas? Il est allé voir une prêtresse pour qu'elle puisse communiquer quelque chose par rapport à l'avenir. Donc la divination, c'est la tentative de pénétrer dans le domaine spirituel de l'avenir par un pouvoir occulte. En fait, c'est la plus ancienne forme de l'occultisme. Amen. Donc aussi quelques jours, avant qu'on ne finisse, on va parler maintenant des divinations chrétiennes. Vous riez, je peux vous donner seulement vous donner quelques brèves comme ça. Vous entendez, je vais vous donner quelques brèves. Supposons qu'on prêche, on dit que baptisez-vous, ou refusez de baptiser. Vous savez que vous êtes divin, vous en avez la divination. La Bible déclare que la divination, la désobéissance aussi est coupable que. Donc, vous voyez les gens qui ont rien, attendons, on va arriver là. Donc, la tentative de sonder l'avenir parce qu'on a peur de notre avenir a poussé les gens à la divination. Donc, Satan est là pour servir. Souvenez-vous, quand on l'a chassé, il n'est pas descendu sur la terre. Il est descendu au niveau du ciel, au-dessus de nous. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, il dit que de l'esprit qui agit dans la puissance, dans l'esprit de la rébellion. Il dit que c'est le prince de la puissance de l'air. Encore Dieu dit qu'en ces derniers jours, il va châtier l'armée qui est dans les cieux. Il va les bousculer, ils vont descendre ici. Donc, ils vont descendre quand moi je vais monter. Amen. Mais je dis Amen pour moi. Regardez bien, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, où l'apôtre Paul parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, il dit que vous savez ce qui empêche à ce que cette chose en arrive. Que l'impie apparaît en son temps. Celui qui s'oppose de tout ce qu'on appelle Dieu, qui va aller s'asseoir dans le temps de Dieu, s'appellera lui-même Dieu. Dit que vous savez ce qui l'empêche. Tant que les gens qui sont remplis de cette sont sur la terre, ils ne peuvent pas se manifester. Quand sera enlevé, il va venir. Et ces acolytes sont préparer les endroits pour Jésus. Il vient entrer exactement là. Ne permettez pas que l'Antichrist soit votre maître. Amen. Ne permettez absolument pas. Ne permettez pas cela. Jésus qui doit régner dans vous et en vous, avec vous. Amen. Dans nos vies quotidiennes, on doit marcher avec le Seigneur. Donc la prophétie donc va au-delà du fait qu'on parle tout simplement par rapport à ce qui va arriver dans la vie. Maintenant, par rapport à la prophétie et la divination, remarquez très bien, vous pouvez aller chez un marabout, vous dire quelque chose de votre passé. Un faux prophète peut le dire également. Mais en ce qui concerne l'avenir, c'est ici donc que le trait des jauges est véritablement. J'ai dit, par rapport à la prophétie, faux prophète ou quoi que ce soit, la prophétie est faite. Je vais vous donner un exemple pour que vous en savez. D'accord? Dans cette ville, si j'ai entendu des gens dire, je ne sais pas si vous êtes au courant de cela, on a parlé de la trompette des prophètes, et ceci, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. La trompette des prophètes dans la ville. J'ai suivi ça à la loupe parce qu'il faut que, avant de dire quoi que ce soit, que je sois au clair. Dans cette prophète, ces choses, on a réuni beaucoup de personnes et on a prophétisé que Dieu a dit qu'en 2012, avant 2012, 44 présidents seraient enfants de Dieu. Et on a fait prier les mamans, on les a fait jeûner pendant des nuits, faire qu'on loue les cinémas et ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne veux pas citer le nom, vous savez de quoi il est question, vous savez de qui il est question, si vous, êtes, vous avez entendu parler. Les gens ont prié, je prie pour qu'on donne sa vie à Jésus. Vous priez pour qu'on donne sa vie à Jésus. Écoutez, vous en donnez combien? Citez ma Dieu maintenant, enfant de Dieu, allons-y. Citez-moi si vous en savez. Ils avaient dit 44, j'ai noté, j'ai prié noté. Pourquoi ça ne prend cet exemple pour montrer exactement où quelque chose quand Dieu ne parle pas? Dans Deutéronome chapitre 13, Dieu a réglé ses cas à la part. Deutéronome chapitre 13, entre les vrais et les faux prophètes. D'accord, bien-aimé? Il a dit clairement que c'est quelqu'un de l'aide de milieu de Dieu. Vous dites quelque chose, que ça n'arrive pas. Ce n'est pas l'Éternel qui l'a dit. C'est pas audace qu'ils l'ont fait. Alors, d'où vient-il que quelqu'un donne avec les paroles de prophétie, lit au micro et c'est filmé? Maintenant, regardez très bien. Personne ne vient se repentir en disant que nous avions fait quelque chose de tort. On tourne là-dessus, on manigance. Mais les gens, les chrétiens, ils sont toujours derrière. Alors, ceci, si on dit, l'Éternel a révélé, compris, 44 présidents doivent venir. Et on donne clairement avec la date. 2012, il n'y a pas de président. Qui avait parlé de l'aimé? Il faut que les gens font le même. S'ils ont fait 7 fois, 7 séminaires, ils vont sept fois le même séminaire pour se repentir. Vous avez entendu les repentances par rapport à ça? Non. Est-ce que les chrétiens sont, qui étaient là-bas se sont levés en disant que vous avez dit ici? Est-ce qu'ils ont dit cela? Non. Ils ont vendu le droit de naissance. Les chrétiens ont vendu le droit de naissance parce qu'ils ne comprennent pas que ma Bible fait comprendre que pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois ne peuvent pas que les autres jugent. On a oublié le jugement. C'est-à-dire que de prononcer que frère, ce que tu as dit était contraire aux Écritures. C'est l'autorité des croyants. Amen. N'est-ce pas ce que nous a dit dans 1 Jean chapitre 4, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez. Pour savoir si sont de Dieu ou pas. Car plus de faux sont de Dieu. Alors comment nous reconnaître donc que quelqu'un est faux dans ces cas-là? S'il dit quelque chose, ça n'arrive pas à arrêter à ses niveaux. Il faut que le frère ou bien la soeur qui a fait cela ait l'amabilité et l'humilité de reconnaître que soit il a prophétisé par lui-même, par elle, ou bien par elle-même, c'est-à-dire par audacité, pas, parce qu'on peut prophétiser ses pensées. Si vous comprenez. Amen. Un frère peut regarder comme ça et dire, Dieu me remet que tu es ma femme. Il peut. C'est sa chair qui prophétise. Une seule peut même dire ça, que j'ai déjà vu ça trois fois en vision, comme tu es venu t'asseoir là-bas. Il peut prophétiser par rapport à ses intentions, parce que la personne qui est là-bas, c'est son groupe. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Quand c'est un prophète qui parle, regardez bien, je vous dis quelque chose que vous voyez. Quand Esaïe s'est tenu là-bas, il a demandé à Akash, demande un signe à l'Éternel. Il a dit que je ne demanderai pas, je ne tenterai pas l'Éternel. Il dit, même si je ne demande pas, il veut te parler. Ainsi parle l'Éternel, la Vierge enfantera. La Vierge enfantera. Comment une Vierge peut être enfantée? Absolument. 800 ans après son départ, la Vierge enfantera. Amen. Donc on connaîtra, et si vous prenez Jérémie chapitre 23, on aura le temps de parcourir tous ces versets-là. Jérémie 23, entre chapitre 28, entre Anania et Jérémie. Quand il a confronté, il a dit, ainsi parle l'Éternel. Jérémie disait, ainsi parle l'Éternel. L'assemblée était embrouillée au milieu. Alléluia. Il a ainsi parlé l'Éternel avec ses cornes, tu frapperas le roi de Babylone. Jérémie regardait dans le futur, regardait, l'avenir d'Israël était sombre. Et la Bible déclare malheur aux pasteurs, aux prophètes qui prophétisent la paix lorsqu'ils ont quelque chose à manger. Les gens vivent dans la fornication, ils vivent dans le mensonge, la publicité, la pompe, le concubinage. On dit que c'est ton jour, Dieu t'aime. Dieu t'aime parce que tu vis là-dedans. Mais prêche un peu sur la sanctification poussée. Prêche un peu sur la sanctification poussée. On dit que celui-là, on ne veut plus aller dans son église. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'amour pour le monde. L'amour pour le monde. Donc quand un prophète parle, mesurez le prix de sa parole. S'il dit quelque chose par rapport à la vie, ça n'arrive pas. Mettez déjà donc le point d'interrogation sur ce ministère. On va voir en profondeur, d'accord? Anania dit, ainsi parle l'Éternel. Il s'est fait les cornes. L'Éternel va frapper ainsi. Voilà le prophète qui est au milieu. Ainsi parle l'Éternel. Et remarquez très bien, dans chaque cas de la Bible, remarquez bien. Si il peut aller dans la Bible, parcourir la Bible maintenant en quelques instants. Prenez le cas de Moïse avec les pharaons. La Bible dit que Moïse était venu seulement avec son frère Aaron, il a jeté le bâton. On dit les faux prophètes des pharaons, c'était bien. Donc Moïse, ils étaient deux, ils étaient nombreux. Vous y êtes? Prenez Élie. Vous pensez que sur le mont Carmel, ils étaient au nombre de combien? Contre lui. Combien là? 850 contre lui. Il était seul. Je vous dis, les vrais sont extrêmement rares. Prenez dans 1 Roi chapitre 22. Michée fils de Dimla. Vous avez combien encore de lui? Il y avait un seul. Regardez Ananias quand je viens de citer dans ce Jérémie là. Jérémie, il y avait Jérémie avec qui? Non, lui seul. Et c'est lui. Et tous ces cas là, on les haïssait. Pourquoi? Parce qu'il disait des choses qu'il n'aimait pas entendre. Il disait Amos chapitre 7. Akkad lui a même dit que n'essaie même pas de prophétiser. Va dans tel pays, va rester là-bas, tu restes là tranquille. Cette prophétie là. Alléluia. Donc la divination, bien aimée, ne peut et ne doit jamais et ne pourra jamais s'aligner avec la parole. Amen. La divination, ce sera une tentative par un autre esprit à vouloir sonder l'avenir, pour dire quelque chose. Maintenant, si nous sommes serviteurs de Dieu, n'essayons pas par sentiment de dire quelque chose à quelqu'un pour arranger la paix de la personne. Disons la vérité à la personne pour que la personne puisse, le prince de paix puisse prendre la position. Amen. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir perdu par exemple son mari, et tu essaies de lui dire quelque chose, ne t'inquiète pas, Dieu va donner encore notre mari. Et que c'est poussé par l'audacité. Et que peut-être que ça va calmer cette personne ici là maintenant. Maintenant, si cette personne, vous pouvez utiliser par la Bible sans même dire que c'est ainsi par l'Éternel. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est ton époux. Donc, je peux dire ça clairement, que Jésus-Christ est ton époux. Ce n'est pas une prophétie. Je peux dire, frère, Jésus-Christ t'aime. Ce n'est pas une prophétie. Est-ce que vous comprenez? Mais dis que ne t'inquiète pas, Dieu va te faire aller aux États-Unis. Il faudra que ça s'accomplisse. Parce que tu veux le contenter. Amen. Amen. Donc, soyez comme les chrétiens de Béret. Prenez chacune des choses, vérifiez si c'est contraire aux écritures. Et aussi, ayez l'amabilité d'aller vers les gens qui vous annoncent la parole. Si vous voyez qu'il y a quelque chose, parce que quelqu'un peut dire une chose, vous comprenez autre chose. Allez vers la personne. Qu'est-ce qu'en est-il? Qu'est-ce que tu dis? Viens, tu as dit telle ou telle chose. D'accord, bien aimé. Afin que ça soit réglé. Par-dessus toute chose, aimez le Seigneur. Lisez la parole, sondez la parole. Il y en a tellement de choses glorieuses ici à l'intérieur. Et Dieu veut se révéler au milieu de ces cas. Dieu veut se révéler. Si seulement Dieu ouvre nos yeux seulement pour que nous voyons constamment, nous allons voir le mal que Satan avait programmé dans cette fin de temps-ci. Alors là, nous pourrons être utiles à l'Église. Nous pourrons être comme des sentinelles pour prévenir l'Église de cette fléau des divinations et des prophéties. D'accord, bien aimé? Donc la prophétie, Dieu est le Dieu des prophètes. Dieu est le Dieu des prophètes. Quand c'est Dieu qui a la main sur un prophète, alors, quand la personne se lève pour parler, vous entendez ainsi parle l'Éternel. Remarquez très bien. Vous avez lu le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas ainsi parle l'Éternel. Ok, je pose une question. Avez-vous déjà posé la question, pourquoi il n'y a pas ainsi parle l'Éternel dans le Nouveau Testament? Le seul endroit où la Bible parle, tout à l'heure, j'ai parlé de ces Agabus qui avait attaché l'apôtre Paul avec la ceinture. Il a dit ainsi parle quoi? L'Esprit. Ça vous pose pas des questions? Ainsi parle l'Éternel dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un seul endroit où on parle ainsi parle l'Éternel. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc on va voir cela lorsque on va parler des ministères prophétiques dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Vous allez voir avec les dons de prophétie. Donc, Dieu nous a donné son arme. Il a dit ça, c'était l'épée de l'Esprit. Amen. Satan ne peut absolument rien faire. Si même un démon apparaît devant vous, vous tenez là-bas, vous dites, il est écrit. Je suis caché avec Christ en Dieu. C'est terminé, amen, ça règle le problème. Amen. Toutes les gestifications qu'il va faire là-bas, il va seulement partir. Tout c'est bien aimé. Amen. Donc, faites attention à entre les prophètes. Souvenez-vous de ces trois exemples des portables que je vais donner. C'est le portable Nokia qui fait un tingling quand on éteint là, qui est le danger. Pas le portable en plastique qui fait un ting ting ting ting ting ting. C'est pas ça. Parce que là, clairement, quand tu donnes ça, tu sais que c'est faux. Tu mets ça de côté. Donc, c'est le marabout. La suite des temps qu'on va travailler, disons, ce sera sur le vrai portable et le faux là, d'accord? Amen. C'est-à-dire que, ou le portable est fabrication maison, ou bien c'est pas fabrication maison, d'accord? Amen. Si c'est chinois, c'est chinois. Et maintenant, le chinois ne peut pas devenir de l'original, et l'original ne peut pas devenir chinois. Donc, ou tu es faux serviteur, ou tu es vrai. Alors, le faux imite le vrai. Le faux imite le vrai. Donc, c'est ça qu'on va développer, d'accord, bien aimé? J'espère que vous allez poser une question. Vous êtes sommairement là-bas, comme ça, posez ici des questions. Oui, ma soeur. S'il te plaît, ici, ton frère, donc tu me dis, tu ne veux pas. Il y a, je pense, dans l'Hébreu, quand on parle de l'héros de la foi, on dit donc qu'il y a les promesses de Dieu. Oui. Bon, vous avez dit comment est-ce Quand ils ont vu de loin, elle les a salués parce qu'ils n'ont pas obtenu même ce qu'ils avaient été promis. Ok, bonne question. Mais d'abord, corrigeons ce que tu as dit. Dans cet Hébreu chapitre 11, on n'a pas dit que ce sont les progénitures qui vont hériter. Ce n'est pas dit comme ça dans Hébreu 11. Ce qu'ils ont dit dans Hébreu 11, on dit ils les ont vus de loin et salués parce que Dieu ne voulait pas qu'ils arrivent à la perfection avant nous. D'accord, c'est ce qu'il dit. Ce n'est pas dit que Dieu a dit que tu vas avoir une maison et que tu n'as plus la maison et que la maison va venir pour tes enfants. Dieu ne bégaye pas quand il part. Dieu ne bégaye pas quand il part. Maintenant, ce que je me dis dans cette prophétie, c'est que une prophétie qui est géographiquement localisable, dans le temps, c'est quand c'est arrêté. Alors, il faut que ça s'accomplisse tel que ça a été dit. Vous me saisissez, ma soeur? C'est-à-dire, par exemple, prenons un exemple de ce cas que j'ai dit là. On a dit clairement que 2012, 44 personnes doivent se convertir. 44 présidents. 2012 est effectivement arrivé. Il faut que je m'attende à avoir 44 présidents. C'est vrai que si 2012 arrivait et que c'était 43, ce n'est pas de Dieu. Amen. Vous voyez la chose? Grossièrement, ça n'est même pas arrivé. Même pas toi. Donc, ça veut dire définitivement, c'est pas Dieu. Parce que Dieu. Prenez, si vous voulez regarder un prophète type dans la Bible, c'est Samuel. Lisez 1 Samuel depuis chapitre 9. Regardez comment, quand Saül va venir, il va lui dire exactement la description. Quand tu vas me quitter, tu vas rencontrer trois hommes. Deux personnes vont te tenir de peur. Après là-bas, à tel endroit, tu vas trouver les troupes de prophètes rentrant du haut lieu. Tu vas être brûlé, l'esprit, tu vas tomber. Ils sont arrivés exact. Parce que quand les prophètes parlent, ils le voient. Donc, je vais parler au courant de la. Si je ne parle pas ainsi. Rappelez-moi que j'en parle. Je vais vous parler des prophètes parce qu'il y a des prophètes qui ont des songes, des prophètes qui voient la chose qui est dans l'écran, des prophètes qui parlent seulement sous inspiration. D'accord? Dans la Bible, ça se trouve. Donc, quand les prophètes ont des visions, les prophètes ont les visions, ils n'ont pas besoin de dormir. D'accord? Il y a d'autres personnes qui, quand ils dorment, c'est devant le songe. C'est-à-dire que le subconscient est aiguisé par le Saint-Esprit. Le subconscient, parce que c'est dans le domaine que ça se passe. Et donc, ceux qui sont des prophètes peuvent bien comprendre ce qu'ils sont les dire. Quand quelqu'un est prophète, sa constitution. Sa constitution, son subconscient n'est pas comme pour les autres êtres humains. Parce que qui dorme, qui ne dorme pas, il a des aigles. Et c'est Dieu qui a fait cela. Voilà pourquoi il les appelle les aigles. Est-ce que c'est bien aimé? Alors maintenant, ceux qui veulent faire la prophétie, le faux prophète, ils tentent de faire ce qu'on appelle dans la région orientale les chakras, de faire de monter des énergies. On monte jusqu'à l'illumination, vous touchez le cerveau. Alors avec ça, on commence à voir dans le domaine astral. Amen. Ce n'est pas de Dieu. Dieu ne peut pas qu'un chrétien cherche à avoir des visions. Un chrétien essaie d'ouvrir son esprit. Jamais. Le Saint-Esprit veut. Tu ouvres les yeux. Tu vois. Amen. Il y a un pouvoir. Amen. Donc n'essayez pas de vous concentrer pour avoir les visions. Vous concentrez. Non. D'avoir les vies de l'esprit pour avoir les visions. N'essayez jamais. D'accord? Si Dieu veut, la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui impacte à chacun le don comme il veut. D'accord? Et aussi, souvenez-vous de ceci. Voici encore la chose qui a amené le mal dans l'église. Ce don-là n'est pas au pouvoir de celui qui la possède. C'est-à-dire que c'est contrôlé par le Saint-Esprit. Je vais dire, supposons que quelqu'un a la grande guérison. Est-ce qu'il peut guérir tous les maladies? Non. S'il va garder que j'ai décidé de guérir, il peut le faire? Non. C'est ainsi pour les prophéties. Donc, ne courez pas derrière quelqu'un. C'est ça qui a fait que les pasteurs sont devenus les prophètes aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas une parole pour moi. Le pasteur voit comment, comme il n'est pas le prophète, il voit que si, quand il n'a pas de parole, les gens sont allés dans d'autres églises. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Soit il va au Nigeria, il va le prophète rapidement. Alors, vous pouvez voir pasteur, révérend, docteur, prophète. En quelques temps, le nom a changé. Pour avoir une autre puissance, pour que quand tu lui dis, tu es une parole. Donc, nous-mêmes, nous pouvons pousser les gens à faire le fond. Vous voyez cela? Alors, l'actif, vous dites que Seigneur, dans ton coin, tu connais mes problèmes. Souvenez-vous de Anne, la Anne qui était dans 1 Samuel chapitre 2. Elle n'est jamais allée devant Élie pour dire, voici mon problème. Elle est restée seule, elle souffrait dans son cœur. Tu as entendu, vrai ou faux? Amen. Donc, si chez vous, vous avez des situations, vous pouvez soupirer devant Dieu. Dieu entend, quelqu'un se dit que la parole est chantée, donne un truc qui a la réponse, et ça règle le problème. Amen. D'accord, bien aimé. Ne poussez pas les gens à prophétiser. Alors, si vous poussez les gens à prophétiser, il va dire des choses qui, certainement, ça vient de lui ou bien de Satan. D'accord? Des questions? Oui, frère. Comment peut-on faire pour avoir l'esprit de discernement face à ce que nous concernons? Bonne question aussi. Donc, je crois que je vais seulement, selon que le Seigneur me donne, donner seulement les éléments structurels pour pouvoir détecter. Quant à avoir le don, l'esprit de discernement, en fait, permettez-moi de corriger encore ceci. Dans la Bible, il n'y a pas l'esprit de discernement. Il y a le don de discernement des esprits. D'accord? Alors maintenant, les dons sont donnés par le Saint-Esprit. Donc, si tu as le baptême du Saint-Esprit, Alors, si le Saint-Esprit, il plaît au Saint-Esprit de t'accorder ce don-là, il te donnera. On est d'accord? Mais ce qui est sûr, c'est ceci. Si quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit de façon authentique, pas l'ange, ce qu'on a dit là. Si quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, alors si quelqu'un veut parler au vivant de toi, celui qu'on a l'intérêt là, on l'appelle maître intérêt. Interrogez-le. On n'a pas besoin de bavarder. Interrogez-le. Seigneur, est-ce ton serviteur qui est là-bas? Il dit bien, voilà le problème. C'est que, un, les gens n'ont pas le vrai Saint-Esprit. Deux, les gens n'ont pas de communion avec le Seigneur. S'il prie, il s'entend lui-même ou il entend les bruits dehors. Quand il prie, c'est dans 5 minutes des petits pays qui deviennent dans son esprit. Le Saint-Esprit n'a pas pris place. Si le Saint-Esprit prend place, il prendra son nom. D'accord? C'est la communion avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire ça en lisant la Bible, en disant que Seigneur, tu connais ma journée, protège ma journée aujourd'hui. Vous pensez que vous allez avoir cela? Dieu veut les gens qui sont dévoués à son service. Dieu veut les gens qui sont. Il a dit que si quelqu'un ne rêve pas même sa propre vie, il ne peut pas être son disciple. Donc le prix à payer est énorme. Ne crois pas que tu vas te lever, tu vois le masque Bassa à marquer, après tu dis Seigneur, parle-moi, il te parle. Le temps que tu ne vas pas se voir Bassa là, reste dans la parole. Oui, des questions? Y a-t-il encore des questions? Posez des questions. Peut-être en fonction des questions ou bien peut-être des expériences que vous avez eues dans le passé. Des déceptions avec les marabouts et autres, là on pourra développer ce que vous voulez. Vous le trouvez dans une position où effectivement un divin pour oui. Comment, si on se refait à Jean 4, oui. À partir du premier verset, oui. Comment vous trouvez celui-là? Voilà, bonne question également. C'est-à-dire, vous savez ce que le frère a dit? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont allés chez le marabout. Le marabout a dit que tu vas rencontrer telle personne. Et la personne, il rencontre vraiment la personne. Ok. Je vais vous dire, c'est l'une des choses qui m'avait troublé depuis que je suis croyant. Mais Dieu m'a donné la révélation à cela. C'est-à-dire que, voici maintenant, on a dit que c'est tentative de sonder l'avenir. Alors, si je vais chez un divin, et on peut dire quelque chose sur ton passé. Pour le passé, c'est réglé parce que Satan connaît le passé. Nous parlons maintenant de l'avenir. Alors, Dieu m'a fait comprendre. En fait, la seule et unique personne qui a l'avenir au-devant de lui, c'est lui. C'est lui Dieu. Personne ne connaît l'avenir si ce n'est Dieu lui-même. Alors, comment on expliquer ces cas de figure? C'est-à-dire que devant toi, un marabout se trouve, il ne fait pas Dieu. Et il dit quelque chose et ça arrive véritablement. Voici ce que Dieu m'a expliqué. En fait, si tu crois au divin, Satan, qui est son maître, met des choses en évidence que ça puisse s'accomplir. Pas que Dieu le fait, pas que c'est les événements qui devaient arriver. Je vais prendre un exemple pour vous saisissez. Une fille qui arrive quelque part. On peut pour elle qui cherche le mari. On lui dit que demain tu vas rencontrer un monsieur avec. C'est un devin, pas un prophète. Tu vas rencontrer un monsieur avec le blanc. Et c'est arrivé sur beaucoup de personnes. C'était même Satan, même incarné. Elle avait couché et puis elle a disparu. Bon, vous voyez, cette personne-là va venir demain. Quand il croit, comme c'est Satan qui allait lui parler, Satan s'arrange avec un de ses agents de. Ça s'accomplit véritablement. La personne a vendu son âme. Parce que Dieu a dit clairement dans l'Église, on va voir cela prochainement. Que c'est lui qui contrôle l'avenir, que celui qui a fait les premières prédictions, qui se lève, il donne leur preuve. En fait, prenez avec moi la Bible et sachez ceci. Satan, regardez, vous avez la Bible devant vous, on lit à haute voix chaque jour. C'est ce qui l'énerve, c'est qu'il connaît son futur par rapport à la Bible. Parce que la Bible déclare que le diable fuit dans les temps. Le diable fuit chassé du ciel. Le diable, le faux pour pouvoir jeter. Donc Satan connaît exactement ce qui est écrit de lui. Là-dedans, s'il connaissait l'avenir, s'il pouvait avoir le pouvoir sur l'avenir, il pourrait échapper à cela. Vous savez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que vous entendez les témoignages des gens qui sont entrés dans le Satan et sont sortis. Quand Satan le parle, il dit qu'il veut tenir le pouvoir. S'il savait que demain celui-là, Dieu va venir l'arrêter, pourquoi Dieu va dénoncer ce que Satan faisait? Il ne lui dirait pas les secrets. C'est pour montrer qu'il ne connaît pas. Donc Dieu permet donc que les gens entrent dans le satanisme. Dieu permet, pas Dieu, Dieu veut. Dieu permet que certaines personnes entrent dans le satanisme pour que plus tard, ils comme des instruments pour dénoncer ce qui est là-bas. Alors maintenant, si Satan savait que celui-ci, c'est un élément qui va venir nous trahir, il fait attention. Comme il ne connaît pas exactement, absolument, il devait le tuer. Le même, peut-être le jour où il envoie ma mission, même quand Jésus le pêche. C'est pour montrer là une preuve claire que Satan ne connaît pas l'avenir. D'accord? Mais il peut arranger l'avenir par rapport à cette personne. D'accord? C'est-à-dire que tu crois, il arrange la chose pour que tu puisses entrer là-dedans. Mais tu crois que les choses sont allées marcher comme telles. Or, ça veut dire, voici deux voies. Dieu a mis devant les hommes deux voies, la voie de la vie et la voie de la mort. Quand tu te soustrais de la domination de Dieu, tu te places directement et irréfutablement sous l'autorité de Satan. Alors là, c'est lui qui forge ton avenir. Le seul fait de mettre les pieds chez le marabout montre clairement que tu as quitté l'autre sentier. Alors Satan peut arranger ton avenir comme il le veut. Or, cet avenir-là, ce n'est pas ce que Dieu avait placé pour toi. Si on revient dans le chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ, Dieu commence à donner maintenant chaque jour comme il le veut. D'accord, frère? Oui. Oui. Oui. Avec un exemple, si j'ai donné. Oui. J'ai connu une soeur qui a son âme. La dénomination dans laquelle je me trouvais, il y a au mois d'août, une séance de 13 jours de prière qui se passe. Et puis il y a des hommes de Dieu qui font des révélations écrites dans les cahiers. Et cette fille avait donné un cahier pour sa fille. Alors elle a reçu le cahier. Et lorsqu'elle a reçu le cahier, non, c'était pas le cahier, c'est à la fin de l'année. C'est-à-dire on a étudié les passages du livre sur les papillons. Elle en a tiré un peu. Tout sa fille, lorsqu'elle a tiré le papillon, elle est tombée dans le livre du mois de janvier où il a donné sa fille. Alors, la fille s'est rendue chez le pasteur pour demander l'explication. Le pasteur ne lui a rien. Elle m'a consulté. Moi, je lui ai dit que relativement à ce que je lis, c'est une condition de mort. Véritablement, c'est la mort de la fille. Parce que c'est ce qui est écrit. C'est passé beaucoup de mois. Ou même une année déjà. Peut-être à une année, deux mois. Le cas de la décision vient de circonstances. Ok, non, on va arranger la situation. Là-dedans. Merci aussi pour cela. Tumbu, boss, calabas, tu as bien les boss, ça se trouve dans la Bible. Non. Je veux dire. Regardez. Vous savez ce que veut dire Tumbu, non? Oui. Dieu. Dans ce lévitique qu'on a dit là-bas, Dieu a formellement interdit qu'on tire les présages et les pronostics. C'est-à-dire que si quelqu'un travaille ici, là, il travaille dans le pays, c'est que tu as déjà le problème avec Dieu. Amen. Ok. Donc, voici la Bible par exemple. Quelqu'un prend la Bible et dit Seigneur, parle-moi, tout beau, pour ce qu'on va dire, tchao. Après, tu penses que je tombe, tu penses ça. Il dit ouvrier d'iniquité. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu tombes sur le verset qui va dire ouvrier d'iniquité. Tu penses que non, c'est pas ça. Ce qu'il veut dire, c'est ceci. Dieu, c'est une personne. Nous l'appelons Père, pas vrai? Amen. Il doit avoir une communication, un échange entre lui et nous. Donc, quand tu fais les versets bibliques, tu peux toucher là-bas. En fait, on a pris pour la mort. Si quelqu'un regarde maintenant que ton mari, tu prends un verset qui dit que tu seras marié et que cette personne-là a déjà un mari, qu'est-ce que ça va dire? Ça n'a pas de sens. Je veux dire que Dieu ne pense pas à les pronostics. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir avec Dieu. Maintenant, si les gens ont fait une séance maintenant où ils voulaient libérer quelqu'un, c'est que c'était de l'occultisme. D'accord, frère. Le fait que Jephthé était rentré parce que le contexte de Jephthé est totalement différent de ces choses. Amen, amen, amen. Parce que Jephthé rentre de combat. Et maintenant, on peut arriver à connaître bien l'histoire. Il a fait un vœu à l'Éternel. Et nombre de chapitres 30, verset 3 dit si quelqu'un ouvre la bouche pour faire un vœu à l'Éternel, il va s'arrêter là à s'accomplir pour ne pas pécher de l'air. Donc, pour Jephthé est différent. Cette femme-là n'a pas fait de prêche, n'a pas fait de prophétie ou quoi que ce soit par rapport au l'air. Donc, si ça arrive que ce sont des faux, alors c'est une science d'incantation. C'est une science de magie, de sorcellerie. D'accord? Ce n'est pas la Bible qui l'a fait. La Bible n'a pas prophétisé que sa fille devait mourir. Donc, ne voulez plus la Bible comme ça en disant c'est que vous allez tomber juste une nouvelle verset. Oui, autre question? Oui. Par rapport à ce que tu as écrit du ministre, c'est l'histoire des marches. Des rois marches. Non, en fait, la Bible n'a pas appelé marche. Ça, c'est le film qui a dit rois marches. Donc, le livre l'a appelé marche. Oui. Absolument. Absolument. Si cet homme était réellement comment faut-il pour avoir Bonne question. C'est une bonne question, frère. Regardez très bien. Voici pourquoi il faut que les questions sortent de vous. Vous pouvez enseigner cela. Regardez bien. Jésus, si vous lisez Marc chapitre 5. Il sort dans ce territoire des Grenadiers là. Il y a un monsieur qui est possédé des légions. Des 12, je vois quoi, ces 6 000 démons là. La personne était dans les 6 000. Vous connaissez l'histoire là, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus s'est tenu là-bas? Il les a appelés. Et lui, quand il a foulé au pied, le garçon qui est le cimetière, venu vers lui, s'est possédé. Les paroles de ces démoniaques, qu'est-ce qu'il dit? Après, il a dit quoi? Qui a fait entre toi et lui? Il a fait comment? Qui lui a dit la mission de Jésus? C'est un démon qui dit ça, pas vrai? Après il dit, qui a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très heureux? Je vais dire ceci par rapport à sa question est bien posée. En fait, il y a tellement de choses. Je vous dis qu'il y a des choses merveilles dans votre Bible. Regardez très bien. Et c'est encore, je profite de l'occasion pour parler. Jésus-Christ devait naître dans Saint Matthieu chapitre 2 dont il a cité là. Jésus-Christ devait naître. C'était écrit dans Michée chapitre 7 qu'il devait naître à Bethléem. Les scribes et les pharisiens connaissaient cela. La première personne qui savait que Jésus-Christ était sur place, c'était sa famille. C'est terrible, pas vrai? Amen. Donc, ce sont eux qui ont connu que le Messie était sur place. Alors maintenant, la Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel que Satan était dans le jardin d'Éden et qu'il est même plus sage que Daniel. Il connaît même les lois du ciel. En fait, la Bible va plus loin en nous expliquant qu'il n'y a pas quoi que ce soit qui arrive ici sans qu'il y ait des signes dans le ciel. Il y aura des grands signes dans le ciel. Parce qu'il écrit. Maintenant, le problème maintenant c'est ceci. Le fait donc que les gens pratiquent la magie. En fait, voici donc ce que la Bible dit, frère, pour régler le problème. C'est que toute personne, tout nom, toute bouche va confesser que Jésus est Seigneur. Et tout genou doit fléchir devant lui. Satan doit reconnaître un de ces jours qu'il est Seigneur. Il va venir se prosterner devant lui. Mais ça ne fait pas de lui qu'il va changer. Il ne doit pas naître de nouveau. Il va seulement aller en enfer. Je vais dire ceci. Les satanistes reconnaissent les vrais enfants de Dieu. Ils connaissent. Est-ce que vous saisissez? Le fait qu'ils reconnaissent ne veut pas dire que ça fait qu'ils soient nos alliés. Remarquez dans Actes chapitre 16, pour dire encore la chose, l'apôtre Paul se positionne là, il avait prêché l'évangile. Les pharisiens, qui sont censés être des chrétiens, enfin, des gens qui croient, ce sont eux qui lui causent des problèmes. Une femme qui est là, qui a l'esprit puton, dit que ces hommes qui nous donnent la voix de sa vie sont les êtres de Dieu très haut. Elle était dans le camp de Dieu. C'est-à-dire que Satan connaît exactement ses adversaires. Satan connaît ses adversaires. Donc il va confesser ce qu'est la personne. C'est-à-dire qu'il va confesser son adversaire. Quand tu es un élève nouveau, Satan il connaît ce que autour de toi, il y a toujours constamment des plans. Donc en te regardant comme ça, il sait que celui-ci ne peut pas blaguer avec lui. Est-ce que ça se saisit? Donc si tu es un élève nouveau, vous ne savez pas seulement ce que vous avez en vous. Absolument. Donc le fait que les mages sont venus. Pour donner, c'est l'une des questions qui m'avait trouvé lorsque je me suis converti. Comment Satan Dieu peut accepter? Il a dit que je vais te faire lire de la possession des Égyptiens. Il va même prendre, souvenez-vous de ce proverbe chapitre 16, où dit lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même quoi? Son regard, même ses ennemis. Donc Satan est venu servir Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il vit le plus enfant, il s'est prosterné et l'adorait. Dieu les a obligés. Et la Bible déclare qu'ils ont été divinement. Peut-être ça peut être scandalisé. Qui a donné la révélation à Nebuchadnezzar? Le Dieu très haut, pas vrai? Il est même allé plus loin en appelant son serviteur. Amen. Donc le vrai la première personne qui s'est vêtement dit sur cette terre, c'est Satan. Vous savez ça? Amen. En fait, les serviteurs de Dieu eux-mêmes peuvent rater dans certaines choses. Satan ne rate jamais sa mission que Dieu lui donne. Quand Dieu lui dit que tu touches Job jusqu'à. Est-ce qu'il peut aller au-delà? Il peut faire cela. Remarquez, Dieu donne une vision à Joseph. 11 gemmes se prosternent devant nous. Le Père donne l'interprétation. Tu peux dire que tes frères et nous allons venir nous prosterner. Dieu donne la vision. Dieu n'a pas donné l'argent à Joseph pour voyager en Égypte. Il faut qu'il trouve un moyen. Il se tourne. Satan s'occupe de cela. Parce que dans les difficultés, c'est parce que Dieu a les faire vous murmurer. Je vais encore donner ça dans le livre de Papa Saint-Ici. Le jour où la paix de l'apôtre Paul a été donnée, il a dit qu'il va se présenter devant le roi. Dieu a même dit, passer à Gabriel, qu'il va aller même à Rome, il faut qu'il témoigne à Rome. L'apôtre Paul n'a pas de son pour aller à Rome. Il faut que Satan s'occupe. Donc si Satan connaissait qu'en menant Paul à Rome, ce sera la divulgation de l'évangile, il ne veut pas l'amener là-bas. Non. Mais il en est servi à la cause de Dieu. Alléluia. Amen. Mais voyons, vous pouvez savoir. Si Satan savait, un temps, soit peu, qu'en tuant mon père quand je mourrais, quand je naissais, et que ma mère m'avait abandonné, ça me pousserait du côté de Dieu. Il n'aurait jamais tué mon père. Amen. Mais voici aujourd'hui, plus je suis en joie plus que jamais. Amen. Donc il y a souvent Dieu, Satan fait quelque chose dans la vie. Écoutez, toute chose concourt au bien de Dieu. Quand vous pleurnichez sur certains problèmes là, vous avez murmuré devant Dieu. Vous murmurez, vous dites qu'est-ce. Quand vous dites, Seigneur, il donne ma vie, fais de moi ce que tu veux, pas vrai? Alors, il faut qu'il dise n'importe quoi pour te former. Il ne doit pas t'amener dans une classe qui fait comme ça, là. Il dit, Satan, touche là, que permets-moi de toucher à son enfant. Touche, Seigneur, tu es où? Tu es où? Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à ce moment. Amen. On a des questions, frère. Il y a pas de problème. Je suis là devant, vous posez des questions. Il y avait l'histoire d'un oracle qui a suivi dans la ville, en Grèce antique. Oui. Cet oracle-là est une sorte de prophétie. Oui. Et elle n'était pas invitée par l'esprit de Dieu parce que. Absolument, absolument. Elle était deux de la divination. Absolument. Sa dernière prophétie était que. Et que l'Empire romain a chuté. Absolument. Et après ça, elle a été décapitée. Et effectivement, quand elle est morte, en 446, quelques années plus tard, l'Empire romain est arrivé. Comment se fait-il donc que elle, qui était inspirée par un esprit de piston, donnait des prophéties avec des. Puisqu'il y avait un empereur qu'on appelait Antoine, qui la conduisait tout le temps. Absolument. Et qui lui disait les choses qui arrivaient dans ces batailles. Mais comment, si l'Esprit de Dieu, après, si. L'esprit de divination ne voit pas la vie. Comment se fait-il donc qu'une femme qui est animée de l'esprit de Dieu, oui. Des choses qui arrivent à la vie. Bonne question encore. Bonne question. Je vais encore commencer dans la Bible, dans la partie de la Bible. Cette femme, dans un chapitre de Saint, verset 16, la Bible déclare que pendant que nous allions à la prière, c'est l'apôtre Jean, il y avait Jean Paul là-bas et puis lui et autres. Il dit qu'une femme qui avait un esprit de Python, il disait, ces hommes qui sont les serviteurs de Dieu très haut, ils nous allons avoir du salut. La parole qu'elle dit était vraie ou faux? Vrai. Pourquoi donc l'apôtre Paul l'a chassée de là? Puisqu'elle ne disait rien qui soit contre la parole. Est-ce que c'est ici? Pourquoi l'apôtre Paul le chasse? Remarquez très bien ici. Les premières personnes, si on parle depuis la Genèse, vous allez remarquer très bien. Caïn, il était le premier à se présenter devant Dieu, vous avez vu? Regardez Judas. Judas allait prêcher quel genre d'évangile? Judas Iscariote. Quand elle était avec les disciples de Jésus là, Jésus les a envoyés deux à deux, non? Quand il est parti prêcher quoi? Il priait pour les gens guérissaient, non? Il prêchait, les gens avaient la vie éternelle, pas vrai, frère? Et les gens l'ont entré au paradis, lui, il sera où? Je vais dire ceci. Satan est un serviteur de Dieu, y compris dans ses apôtres. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 1, il dit qu'il y a des gens qui servent plus par avec des motifs un peu. Après, il dit qu'il y a des gens qui servent avec des bonnes dispositions. Il dit qu'importe de toutes les façons, Christ n'en est pas moins annoncé. Donc, le fait même qu'en faisant quelque chose de faux, ils vont annoncer Christ, quelqu'un va prendre conscience par rapport à Christ. Vous savez ce que je veux dire? Oui, je vais revenir maintenant sur ce que tu dis. Cette femme-là est rapportée dans la Bible. Le cas que tu viens de dire, c'est écrit dans votre Bible, noir et blanc. Mais d'habitude, on va ouvrir. C'est écrit dans lui d'Apocalypse chapitre 2. Dans Apocalypse chapitre 2, vous allez écrit au verset 14 à 18. La femme dont elle parle là. Il dit dans Apocalypse chapitre 2, du verset 14 à 18. Enfin, c'est qu'elle en train de dire là, dans la ville de Thyatire, c'est passé dans une femme qui s'est asseyée sur les trépieds. Elle s'est asseyée sur les trépieds. Donc il y avait une chaise comme ça là. Elle entrait en transe et elle donnait le prophétie. C'est écrit dans la Bible, c'est de lui qu'on parle là-bas. En fait, on voit pas le Saint-Esprit qui a dit comme modèle pour cette époque-là, pour parler de l'époque de l'Église. Il dit ce que j'ai comme besoin, c'est que tu laisses la foi, Jézabel, enseigner et séduire les serviteurs. C'est de l'aide qu'on parle. Donc, je vais dire ceci, l'époque où il en est parlé, c'est exactement cette époque-là qui règne ces choses-là. Or, maintenant, cette femme-là reçoit le message. Voici des rois mages. Il regarde dans l'étoile. Qui lui a dit que l'étoile, qui lui a dit que l'étoile-ci, c'est pour le grand roi? Donc ça ne veut pas dire qu'il lisait l'avenir. Il veut dire si. C'est un peu ce qu'il veut dire. Vous avez la Bible devant vous, n'est-ce pas? C'est prévu à l'intérieur de votre Bible que l'Empire romain devrait chuter. Amen. Amen. C'est prévu aussi que l'Empire romain devait naître sur nous. Amen. Et ça, c'est écrit depuis. Amen. C'est là où je vais en venir. Alléluia. J'ai dit, si on a eu du temps, c'est bon pour entrer là-dedans pour vous voyez. J'ai dit, c'est écrit littéralement dans la Bible que l'Empire romain devait chuter. En fait, il n'y a que cinq royaumes dont la Bible parle. Si vous lisez Daniel là, vous allez voir qu'il y a quatre royaumes. Le temps des nations a commencé avec Nebuchadnezzar. Ça va s'achever avec la chute de ces royaumes-ci. Et puis il y a l'introduction du cinquième royaume qui est le royaume ici. Dans le dernier chapitre 2, il dit que du temps de ces rois, le quatrième, du temps du quatrième, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera point. Il dit, c'est ce que tu as vu comme la pierre qui est sortie tant que c'est que d'un homme a frappé. Or maintenant, dans ces royaumes-ci, le royaume était terrible parce que dans ces royaumes, il y avait des alliances. Et dans la Bible de l'Apocalypse, si vous lisez Apocalypse, la Bible déclare qu'il a vu une bête qui était mortellement à terre. C'est de lui qu'on parle. Amen. Après, il dit que la blessure mortelle fut guérie. Donc, Rome est tombée sur la forme empire. Revenue sur la forme papale. Amen. Même Amen. Amen. Donc, c'était écrit. Maintenant, Satan connaît exactement ce qu'il est censé faire pour lui. Donc, il faut qu'il fasse des choses en ordre par rapport à ce qu'il s'est accompli. Mais ils sont censés de Dieu. Donc, je vais dire ceci. La femme ne prophétisait pas quelque chose. Satan connaît ce qui est écrit de lui. Donc il peut dire ça, c'est Messie, que voici ce qui se passe, parce que c'est écrit dans la Bible. Les historiens ne peuvent pas savoir que c'est écrit dans la Bible. Ils ne peuvent pas savoir. J'aimerais donc que tu prennes donc quelque chose qui est écrit, qui n'est pas écrit dans la Bible avant, et quelqu'un qui l'a prophétisé après, et dans chez Satan. Du coup, là, vous n'en trouverez pas. D'accord, frère? Donc, Satan ne peut pas connaître, là où vous êtes là comme ça, là, nous sommes lundi. Satan ne connaît, je ne sais pas quelle heure, mais il est 21h moins 10, moins quoi, même 10. Satan ne connaît pas ce qui va se passer à 21h. Il ne connaît pas. Même dans ta propre vie. Il ne connaît pas. Voilà pourquoi il est un peu passé. Vous voyez, c'est un gentleman. Quand Dieu lui a demandé dans Genèse, dans Job, là-bas, il dit qu'il devait promener et parcourir. Il passe son temps à se promener. Parce que c'est qu'il reste sur place comme ça, là, le frère là, et moi, là, on l'a localisé. Fouin! Il faut qu'il puisse partout. Posez la question, frère. Oui. En fait, arrogance, la dynastie n'est pas de Dieu. Ça ne manque pas de Dieu, oui. J'ai un peu pensé à l'histoire de la terre de Dieu. Oui. Qui a prédit qu'il y aurait un peu d'argent. Noir. Il n'a pas prédit. Bon, oui. Il a bien dit qu'il a eu le rêve. Il a eu le rêve. Oui. Oui. Ok, bonne question. J'aimerais bien que ce soit que le peuple de Dieu puisse comprendre une chose. Dieu donne la vision et les révélations à tout le monde. Amen. Amen. Il en a donné à Pharaon. Il a donné à Abimelech. Il a donné à Nebuchadnezzar. Il a donné en fait toute la. Depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, il a donné ça à un païen. C'est lui qui a eu la vision. Pas vrai? Donc le fait que le matin était rêvé qu'il y a un noir, I have a dream. That my friend, en disant que mon enfant est en train de marcher à la maison blanche avec une blanche, ce n'est pas nouveau. Dieu peut donner la révélation avec n'importe qui. Nous parlons du domaine de la divination et des prophéties. D'accord? Après cela, il va se mettre au fenêtre, il va fumer. C'est matin était king là. D'accord? Posez une question. Bill, s'il vous plaît, exprimez-vous, je suis de m'exprimer aussi, n'est-ce pas? Posez une question, n'importe quelqu'un qui puisse être. Ok, voilà, c'est une bonne question. Si l'incrédulité peut empêcher l'accomplissement de la prophétie dans sa vie, je vais répondre sur deux angles. D'accord? Remarquez très bien. Si je devais te dire, vous allez remarquer que Jean-Baptiste est venu prêchant la bonne nouvelle dans Matthieu chapitre 3 et dans Luc chapitre 3 et particulièrement. Vous allez lire là-bas, la Bible déclare que plusieurs, voyant venir à lui les pharisiens à son baptême, il a dit: race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. En fait, il a parlé, il y avait deux semences au devant de lui, deux personnes ont été baptisées, les pharisiens ont repoussé. Maintenant, dans Luc au chapitre 7, le verset 30, la Bible déclare que les pharisiens, en ne se faisant pas baptiser le baptême des gens, ont rendu nul de faire le dessein de Dieu. La Bible déclare que les pharisiens, en ne se faisant pas baptiser le baptême des gens, ont rendu nul de faire le dessein. Vous avez appelé ça le dessein de Dieu dans la vie. C'est-à-dire, ce que Dieu avait prévu faire au-delà du baptême là, il arrête. C'est. Ok, je vais expliquer ça clairement avec les paroles de la Bible. Il y a donc les prophéties conditionnées dans la Bible. Il y a les prophéties que tu le veux ou pas, ça va s'accomplir. Ça ne dépend pas d'un nom. C'est ça. Donc maintenant, pour que quelqu'un, l'incrédulité de quelqu'un puisse empêcher à la prophétie, il faut que cette prophétie soit une conséquence, une prophétie qui est conditionnée. Alors, la prophétie, c'est que si tu te repens, alors je plierai tes ennemis à ton égard. Vous voyez, c'est déjà la prophétie, n'est-ce pas? Mais quant à la prophétie, le Fils de l'homme reviendra dans les nuées et il va prendre son église. Que quelqu'un l'accepte ou qu'il n'accepte pas, ça va s'accomplir. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, pour que quelqu'un puisse dire: ah, peut-être que je n'ai pas cru à cette prophétie, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on regarde si c'est une prophétie conditionnée. D'accord? Oui. La Bible est parfaitement claire, la réponse est oui. D'abord, tu as bien analysé les deux, et les deux sont tels que tu dis là. Il y a des gens qui disent: Seigneur, utilise moi, je dis, je ne veux pas. D'autres personnes qui fusent parce qu'il en a la main. Regardez que là où Jonathan est entré, il n'est pas allé dans le fond, il est allé en bas de l'eau. Dieu a dit que l'eau va te demander. Il a pu, pas vrai? L'apôtre Paul dit que lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le 5 matin, dans cette galaxie, le verset 15, il avait révélé son fils. Donc c'est Dieu qui veut. En fait, ce que vous pouvez faire, ce que quelqu'un peut faire, c'est rester seulement à la position que Dieu l'a donnée. Quand on veut imiter, n'essayez pas d'imiter quelqu'un. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Soyez seulement la personne que Dieu veut de vous. Amen. D'accord. C'est quand on veut imiter qu'on commence à tomber dans les pièges, que je vais être comme tel. Donc, tu commences à faire. Il n'y aura pas un, deux personnes comme l'apôtre Paul sur la terre. Il n'y aura jamais. Amen. Chaque personne, remarquez, vous avez vos empreintes. Les empreintes sont différentes. Pour montrer que chacun de vos travaux sera marqué par vos signatures. Amen. Donc, pas besoin de. Donc, il y a des gens donc, qui ne font rien, ils fuient. À un moment, là, comme nous avons cité, a dit quoi? Que je suis, je ne suis pas prophète. Je suis tellement berger. L'Éternel m'a dit d'avoir derrière les brebis, là-bas, tu vas prophétiser. C'est pas ça? Hein? Pendant qu'ils disaient, vous avez un peu de gens qui servaient Dieu. Donc, c'est la question, je ne vais pas terminer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.